sans doute d'arriver à comprendre pourquoi on a eu des sociétés secrètes. Quelles ont été sociétés? Je vais vous expliquer brièvement pourquoi secrètes. Pour deux raisons, elles secrétaient des choses interdites par la collectivité, et pour ça, alors, il fallait qu'elles restent secrètes. Pourquoi continuer à secréter? Le cadre d'évolution qui permet l'évolution est continuellement assujetti à un plan intelligent. Maintenant, il faut voir à qui s'adresse le plan de l'intelligence qui construit un cadre particulier. Si ce cadre ne s'adresse pas à vous autres, alors automatiquement, vous allez devoir soit vous y soumettre, soit trouver un cadre différent. Mais je le répète, l'être humain psychologique ne peut pas construire de cadre d'évolution. Il ne peut que s'en illusionner et rester assujetti au cadre construit par les forces de Jéhovah. Lorsqu'une intelligence décide de s'adresser à ceux qui ont la possibilité d'exprimer l'intelligence, donc d'être en relation avec une intelligence, alors automatiquement, on doit créer un nouveau cadre d'évolution en parallèle avec le cadre qui permet l'évolution de l'humanité pour permettre à cette élite de pouvoir progresser selon leur rythme, autrement dit, plus rapidement. Les sociétés authentiques qui avaient comme fondement l'évolution de l'élite ont tous été instaurées par la même énergie. L'énergie intelligente qui instaure une espèce de société va évidemment, étant donné qu'elle est consciente que cette société, ce cadre d'évolution marche en parallèle avec le cadre de Jéhovah, et que Jéhovah a bel et bien interdit des cadres parallèles parce qu'il s'adressait à des hommes inconscients que s'ils auraient créé un cadre parallèle, ils auraient simplement créé un cadre de déchéance. Donc, malgré que Dieu interdit certaines choses, l'homme intelligent se doit de les faire. Parce que l'interdiction ne s'adresse pas à l'homme conscient, l'interdiction s'adresse à l'homme inconscient. Lorsqu'un cadre d'évolution est placé sur la planète pour une élite, il doit premièrement subsister aussi longtemps qu'il sera utile. Et deuxièmement, permettre réellement l'avancement des élites. Sur le plan planétaire, l'hélice raciale est la race blanche. Quand je parle de race blanche, je parle évidemment de la race neurologique blanche. Je ne parle évidemment pas de la peau blanche. On a des personnes qui ont la peau blanche, mais qui ont un cerveau racial d'une autre race, que la race blanche, c'est-à-dire la race descendante de la race aryenne. On a des personnes qui ont une peau de couleur, mais qui ont le système neurologique typique de la race blanche. Et je m'adresse à la race blanche, donc à ceux qui ont des neurones agencés selon le type de la race blanche, et non pas selon leur couleur de peau. Et ça, c'est bien important à voir. Il y a une maudite différence entre un et l'autre. Un noir de peau peut évoluer autant qu'un blanc de peau, mais un noir d'esprit n'évoluera jamais autant qu'un blanc d'esprit. Quand je parle de noir, je parle évidemment de toutes les races qui ne sont pas de la race blanche. Et l'élite de la race blanche est évidemment l'élite du continent nord-américain. L'élite de masse se trouve sur le continent nord-américain. Et plus on veut chercher l'élite dans l'élite, plus on rétrécit et plus on peut trouver de petites élites ailleurs. Donc, un cadre d'évolution parallèle au cadre géovique, c'est-à-dire au cadre reconnu par la masse, se doit de survivre. Donc, pour survivre, il doit connaître les lois qui régissent les cadres instaurés par les énergies de Jéhovah les énergies des seigneurs de la Lune, et connaissant les lois qui régissent ces cadres, il en connaît la rigidité. Connaissant la rigidité de ces cadres, il sait que les personnes qui sont régies par ces cadres vont évidemment exprimer la rigidité de ces cadres. Lorsque nous brisons la rigidité d'un de ces cadres, nous brisons ce que nous appelons une forme. Mais ce n'est pas le travail de la collectivité élite de briser les formes de la collectivité normale. C'est le travail de certains instructeurs, mais ce n'est pas le travail de la collectivité élite. Ce n'est pas votre travail de briser des formes. Vous n'êtes pas suffisamment énergisé pour comprendre la forme, ce qui fait que briser des formes pour vous ne peut être que la recherche d'une espèce d'expérience que vous allez pouvoir regarder chez quelqu'un. S'il panique, s'il se sent perdu, s'il se sent dérouté, vous avez l'impression que vous avez brisé une forme. On ne brise pas une forme aussi facilement que cela. On crée des formes facilement comme ça. On ne les brise pas. Ce n'est pas votre travail parce que lentement, sans vous en rendre compte, cela va devenir un snobisme de dire que vous brisez des formes. Alors, au lieu de briser des formes, vous allez briser des êtres qui évoluent. Et ce n'est pas la même chose. Briser un cadre pour libérer un être, ce n'est pas briser l'être dans le cadre. Donc, la société doit rester secrète pour ne pas être détruite par la société normale et pour ne pas risquer de détruire des êtres évoluants dans ce cadre géovique. De ce fait, plusieurs connaissances d'une société secrète se doivent de rester secrètes. C'est pour cela que cette société, elle est secrète et elle ne doit pas être connue. Parce que si elle est connue, elle reste une connaissance inconnue de la normalité psychologique. Autrement dit, ce que vous ne connaissez absolument pas ne vous fait pas peur. Ce que vous connaissez et que vous savez en le connaissant que vous ne le connaissez pas comme il faut, ça, ça vous fait peur. Et toute attaque est en réalité une défense. Alors, pour ne pas susciter l'attaque de l'extérieur, on s'arrange pour ne pas leur faire peur. Donc, ils ne se défendront pas en nous attaquant en premier. Si on ne suscite pas la peur et que leur cadre est rigide, c'est qu'ils ne connaissent pas le cadre parallèle. Lorsque c'est intelligent qu'une société se fasse connaître, elle se fait connaître. Mais elle se fait connaître dans un cadre qui n'est pas nécessairement l'essence même, l'essence authentique qui régit la société. Autrement dit, lorsque l'ordre rosicrucien se fait connaître, ce n'est pas nécessairement l'ordre lui-même authentique qui est divulgué dans le public, mais plutôt une espèce de placebo qui sert de support psychologique encore à la masse, comme quoi il y a quand même des choses d'autres mondes qui s'occupent de ce que la majorité ne s'occupe pas. En cela, elle n'est pas dangereuse. Lorsque les Templiers, qui avaient comme fonction, on l'a vu vendredi dernier, d'absorber l'énergie karmique négative de toute la chrétienté, lorsque cet ordre s'est fait connaître, elle devait se faire connaître pour pouvoir absorber le karma de la chrétienté, et évidemment, absorbant, elle est détruite par la chrétienté, ce qui est normal. Parce que tout ce qui est mauvais chez vous, si vous l'apercevez chez l'autre, vous voyez Satan chez l'autre. Une société authentique, non pas créée par les mécanismes géaviques, comme l'ordre templier l'a été, comme l'ordre teutonique l'a été, comme d'autres ordres. Une société réellement authentique créée par l'intelligence pour instaurer un cadre d'évolution permettant à l'élite d'évoluer selon sa propre vitesse, se doit toujours de rester secret. Pourquoi je vous parle de ceci? Pour deux raisons. Pour que vous compreniez quel a été le rôle de millions d'hommes et de femmes à l'intérieur des cadres d'élite, donc de ces sociétés secrètes, pour que vous compreniez aussi le rôle que doit jouer l'élite dans l'évolution d'une collectivité normale. On ne doit jamais piler sur la normalité, on ne doit jamais cracher sur la normalité. On ne doit jamais se créer un snobisme bâtard pour essayer de créer un autre fossé entre nous et la normalité. Aucune société intelligente, il y en a eu deux, entre autres, principales, aucune de ces sociétés n'a jamais créé de fossé entre l'homme normal et elle-même. Certaines loges l'ont fait, certaines expressions des ordres rosicruciens l'ont fait, mais dans leur fondamentalité, jamais cela n'a été fait. Cela est absurde. On ne doit jamais créer un fossé entre l'élite et la normalité. La normalité se doit d'ignorer ce qui peut lui nuire de l'élite, mais jamais l'élite doit créer un fossé. Lorsque je vous donne un exemple assez typique d'un roi qui connaissait bien la psychologie de son peuple, lorsqu'on a amené une espèce de nouveau légume dans un pays particulier, la population qui souffrait de famine recherchait une nouvelle nourriture, et lorsqu'on a amené la patate, la population n'a jamais voulu y goûter. Le roi a fait bâtir un champ, il l'a fait clôturer, et il a fait mettre des gardiens autour du champ de patates, le champ royal. Et ces gardiens avaient comme ordre de faire semblant de dormir tout souvent qu'ils pouvaient. Alors, la population, voyant que le roi avait un champ extrêmement précieux, évidemment, se sont arrangés pour aller voler ce qu'il y avait dans le champ. Et comme les soldats étaient vraiment des débiles qui dormaient tout le temps, c'était assez facile d'aller voler les patates. Quelques temps après, tout le pays était couvert de patates et la famine a été arrêtée. Si je crée un fossé, les clôtures et mes gardiens sont devenus un fossé entre le roi et la population, entre les patates et la population. Créant un fossé, j'ai automatiquement mis ce que je veux cacher sur un piédestal que le monde voit. C'était fait intelligemment par ce roi. Mais lorsque l'homme élite crée un fossé entre lui et la population, il s'assujettit à être limité, sinon détruit, par les normaux. Nous ne devons jamais créer de fossé, nous devons agir selon notre propre état de conscience mentale à l'intérieur d'une collectivité qui est dans un état de conscience psychologique. Et si nous agissons dans un état de conscience mentale qui n'appartient pas à l'astral, nous pouvons être diplomates et nous sommes capables de vivre mieux dans une société qui reste la même. Lorsque je crois que mon astral est en contact avec mon mental, le moi qui parle, le moi qui parle, qui en réalité est l'identification de l'astral, ne peut pas être diplomate, il ne peut qu'être en colère, il ne peut que se renfermer ou détruire la normalité pour essayer de briser une forme. Il y a donc un problème d'identification, c'est-à-dire que le mental qui s'exprime est un relégat de la mémoire mentale placée dans l'astral, et ce n'est pas de l'énergie mentale pure qui s'exprime. On ne doit pas donner ses perles au pourceau, parce que le pourceau pilerait dessus et risquerait de vous mordre. On ne doit pas donner ses connaissances à ceux qui ne peuvent les comprendre, parce qu'ils vont en avoir peur, donc ils vont les déformer, les détruire, et risquent de vous détruire. Si l'homme élite veut poursuivre son évolution selon le rythme qui lui est prescrit, c'est-à-dire plus rapidement que la collectivité normale, il se doit de bâtir un cadre qui va lui permettre ou de s'assujettir à un cadre déjà existant. Quand je dis s'assujettir à un cadre déjà existant, cela ne veut pas dire de s'en remettre à 100% ou à 150% entre les mains du cadre. Du moins, non pas sur tous les plans. Cela veut dire de s'en remettre, d'étudier si c'est mentalement intelligent. Vous l'auriez construit vous-même si vous auriez eu l'énergie à l'époque. Donc, c'est intelligent pour vous. Alors là, on s'en remet tant que ça reste intelligent. Et ce que je veux dire, c'est pas compliqué. Vous allez rencontrer quelque chose, une forme de cours, une forme de société secrète, une forme de religion, une forme de méthode de travail, quelle que soit la chose, et vous allez l'observer, et si réellement, vous pouvez vous dire que oui, bon, ben, c'est sûr que si ça n'aurait pas été inventé, il aurait fallu qu'on l'invente. Donc, vous n'avez pas l'énergie pour la créer, mais vous avez suffisamment d'énergie pour en voir l'intelligence. Remettez-vous entre ses mains et cheminez avec. Tant et aussi longtemps que votre énergie va être l'énergie du processus. Être dans son énergie, cela veut dire être dans une harmonie d'expression énergétique qui est une expression collaborante entre l'énergie mentale et l'énergie psychologique. Évidemment, lorsque nous parlons de collaboration mentale, nous parlons automatiquement de collaboration vitale et physique. La lutte ne se fait pas entre le mental et le physique. Le mental n'est pas impatient, il n'est pas assujetti à la rapidité, il n'est pas assujetti au désir, il n'est donc pas assujetti aux souffrances du temps, malgré qu'il est limité par le temps, et il est capable de laisser son expression être réglée par la temporalité réservée du corps physique. Donc, il ne nuit pas au corps physique. Mais la psychologie, qui est pressée ou qui est tannée, elle essaie toujours d'accélérer ou de ralentir l'expression physique, ce qui nuit au corps physique. Donc, la lutte se fait réellement entre le mental et la psychologie, entre l'astral. Être dans son énergie, c'est être dans une énergie qui s'exprime, qui exprime de collaboration entre le mental et l'astral. Être dans son énergie veut aussi dire, pour d'autres individus, une collaboration entre l'ajusteur, le supramental, le mental et l'astral. Maintenant, évidemment, il y a un ajusteur psychologique. Et l'ajusteur psychologique doit être mis en opération, en fonction, pour permettre un travail collaboratif entre le mental et l'astral. Par après, l'ajusteur de pensée, qui peut dynamiser l'ajusteur psychologique, pourra réellement être en opération et permettre une collaboration entre les énergies supramentales, filtrées selon votre attraction, vos besoins et votre capacité de recevoir de votre mental. Un être qui évolue dans un cadre particulier, donc un être qui crée le cadre ou qui s'assujettit au cadre d'une façon mentale, est un être qui a la possibilité de reléguer cette nouvelle forme d'apprentissage au sein de sa psychologie et de devenir, de créer une nouvelle classe sociale ou une classe spirituelle. Et là est le danger, et c'est pourquoi toutes les sociétés secrètes sont vouées à être transmutées régulièrement, c'est-à-dire à être purifiées. On doit changer les fondements traditionnels de nos sociétés pour détruire les cadres sur lesquels vient s'asseoir l'astral psychologique des personnes qui évoluent au sein de la société. Lorsque l'homme normal mais élite découvre qu'il est différent, découvre qu'il est élite, je parle d'une découverte mentale et non pas d'une impression astrale, non pas d'une impression psychologique. Je ne me sens pas supérieur. Et quand je parle de supériorité dans la rapidité vibratoire et non pas de supériorité dans les capacités psychologiques. Lorsque l'être mental constate qu'il est supérieur en vibration, il se doit de vivre, de poursuivre son évolution dans une région moins satanique pour lui, moins évoluante pour lui, c'est-à-dire dans une région où il n'aura pas tendance à dilapider ses énergies. Parce que de supérieur, il redevient normal. Il doit donc se relier à un cadre énergétique qui possède approximativement le même taux d'énergie, ou du moins qui va lui permettre de moins évoluer chaque fois qu'il pénètre dans ce cadre, que s'il rentre dans un cadre où il va être vidé d'énergie. Autrement dit, l'homme normal qui évolue se doit, à un moment donné, de se relier, non pas à Dieu, de se relier à d'autres individus conscients pour essayer ensemble d'échanger, donc lentement d'élaborer les fondements microscopiques de ce qu'est un chemin, un cadre d'évolution adapté à l'initié, à l'élite. Mais si ces choses ne sont jamais coordonnées par l'énergie intelligente, il y aura toujours agrégation, désagrégation. Vous allez former un petit noyau qui va être démoli quelque temps après, vous allez en reformer un autre qui va être démoli encore. Il y a des choses qu'il faut comprendre. Lorsque deux énergies intelligentes se rencontrent, deux énergies reliées à l'énergie supramentale ou en phase d'être de plus en plus reliées, ces deux énergies, l'énergie supramentale, l'énergie de l'intelligence, vont faire en sorte qu'ils ne peuvent se rencontrer, ou du moins qu'ils ne peuvent collaborer, ils ne peuvent donc travailler ensemble. Et cela est normal pour la simple raison que ces individus sont des antennes d'énergie supramentale, et lorsqu'un individu en formation, donc qui n'est pas encore possessif d'un corps supramental complet, il n'en a pas le contrôle encore, mais il n'a même pas le corps supramental complet, il est donc en création, il se doit d'être authentique. Authentique, cela veut dire, cela ne veut pas dire qu'il dit la vérité. Cela veut dire qu'il est authentique, cela veut dire qu'il n'est pas coloré. Il n'est coloré que par l'énergie qui le manipule, par la forme d'expression d'énergie supramentale qui l'habite. Mais si deux énergies antennes se rencontrent et veulent collaborer un bout de temps ensemble, automatiquement, l'un et l'autre vont se colorer. L'un et l'autre vont déteindre l'un sur l'autre. Et ce qui fait que les deux authenticités énergétiques s'avèrent à être détruites. De ce fait, l'énergie intelligente s'arrange pour faire en sorte que les énergies humaines intelligentes ne puissent travailler ensemble et ne puissent collaborer tant que leur processus de contact ne sera pas rendu à un point où la coloration entre ces énergies ne pourra plus se faire. Alors et alors seulement, ils pourront collaborer. Ce qui explique que certaines personnes vont être capables de parler, de laisser exprimer l'énergie supramentale, mais ils seront toujours seuls dans leur coin et ils ne se relieront pas à aucune organisation, même intelligente, ils ne se relieront pas à une autre intelligence d'antenne, ils resteront seuls tant que leur formation corporelle supramentale ne sera pas complétée, de façon à ne pas être colorée par une autre énergie similaire qui évolue sur le même chemin. Mais ce n'est pas le cas de la masse élite. C'est le cas de l'élite sur l'élite, mais ce n'est pas le cas de l'élite sur la masse. Ce n'est pas votre cas. Vous faites sans doute partie de l'élite collective. Vous n'êtes pas le résumé de l'élite collective. Évidemment, cela va de soi que l'élite collective au Québec, elle est plus immense que la collectivité ici présente. Mais vous faites quand même partie d'une élite, d'un groupe d'individus qui, forgé par le feu de la souffrance mentale, de la souffrance spirituelle, de la souffrance psychologique qui vous amène à remettre les choses en question, qui vous amène à souffrir, donc forgé par un feu beaucoup plus fort que le feu lunaire, mais pas aussi puissant que le feu solaire, vous amène à vouloir comprendre et vous amène à patienter dans l'incompréhension. Et ça, c'est vachement et mauditement important. Vous devez patienter dans l'incompréhension malgré que vous êtes en cheminement pour la compréhension. Vous ne comprenez pas tout, cela vous fait souffrir, mais vous restez en vie. Vous restez normal et, à un moment donné, vous comprenez plus. Cette élite se doit de se relier pour pouvoir garder un espèce de schéma vibratoire, pour se dynamiser l'un l'autre, pour s'équilibrer l'un l'autre. C'est-à-dire que vous devez partager vos karmas d'évolution, c'est-à-dire que ne connaissant pas les lois de la conscientisation, de temps en temps vous souffrez la conscientisation. Autrement dit, vous faites des phénomènes, vous faites des choses, vous exprimez des choses qui ne vont pas avec la conscientisation, ce qui amène une souffrance au niveau du mental et une souffrance au niveau de la psychologie qui refuse la souffrance mentale. Et automatiquement, cela vous amène une certaine forme de karma. Karma relatif, karma relié à l'individu qui se conscientise. D'où l'importance d'un contact par le plan physique. La parole est un contact physique et la présence est un contact physique de façon à équilibrer votre poids karmique de conscientisation. Autrement dit, plus vous vous rencontrez, moins vous allez souffrir mentalement et moins vous allez avoir de problèmes. Jusqu'au jour, évidemment, où certains parmi vous deviendront possiblement des antennes supramentales, et là, encore une fois, elles devront quitter la collectivité et passer par une phase d'initiation plutôt solaire qu'entre solaire et lunaire, et ils devront souffrir seuls. Mais en attendant, l'être qui se conscientise souffre. L'être qui se conscientise doute, se fout de douter, est conscient de l'importance de douter, se fout d'être mal. manipulé, est conscient qu'il est manipulé, inconscient qu'il n'a pas le choix, il est conscient des différentes énergies manipulatrices, il est conscient de plusieurs phénomènes, mais il n'a pas la vision claire, il n'a pas la conscience globale, il est comme les enfants de la brume de l'Atlantide, il ne voit pas tout malgré qu'il voit le soleil, il ne peut le voir clairement. Ces personnes ont donc des mécanismes qui essaient de les pousser à comprendre, mécanismes régis par le mental évolutif, par l'ajusteur de pensée qui veut relier et par la psychologie qui veut se débarrasser. Et ils auront donc une souffrance qui sera enregistrée, une souffrance qui devient karmique vers la dernière phase de l'espèce de karma que l'être humain évoluant peut ramasser. Et ce karma se doit d'être partagé en collectivité conscientisant. Pourquoi? Parce que ce karma n'amène pas l'individu conscientisé ou en phase de conscientisation à évoluer. Ce karma peut être absorbé par l'énergie mentale d'une collectivité d'élite, mais il peut détruire un individu d'élite qui est seul dans son trou. Et c'est ce qui a amené les élites à se réunir de façon à pouvoir partager leur propre karma qui n'est pas le lot de l'humanité, qui n'est pas le lot de la collectivité évoluante sous le régime des énergies GAV. Donc, l'être qui se conscientise ne doit jamais créer de fossé. C'est-à-dire que s'il veut créer une société secrète ou une société d'élite, il ne doit jamais annoncer sa société d'élite. Si l'être conscientisé veut créer une société d'élite, elle se doit d'être secrète. Si elle se doit d'être secrète, cela veut dire qu'elle ne peut être régie par l'astral, parce que l'astral, fier de sa société, se fera un devoir de la divulguer. Une société secrète se doit d'être restée secrète, et pour rester secrète, elle se doit de faire évoluer des individualités régies par le régime mental, et non pas par le régime astral, assujetti au plan de Jéhovah. Donc, une société secrète ne se crée pas par la volonté d'une psychologie, elle ne se crée que par la volonté expressive de l'intelligence et elle ne se construit qu'à la longue. Elle ne se construit que par des individus élites qui se conscientisent selon une phase de conscientisation qui est en relation, en rapport avec le plan d'évolution de l'humanité. Autrement dit, présentement, votre phase de conscientisation n'a rien à voir avec la phase de conscientisation du 11e siècle, du 12e siècle, du 13e, du 14e siècle. Elle n'a rien à voir non plus avec la phase de conscientisation du 17e et 18e siècle. Vous êtes en état de conscientisation partout dans la province et un peu à l'extérieur. On a une élite qui est en phase de conscientisation et qui est déjà en train de créer des fossés, non pas seulement entre l'élite et la masse, mais entre l'élite et l'élite. Et cela est une absurdité, étant donné que l'élite, et quel que soit l'instructeur de l'être qui se conscientise, l'élite ne devrait jamais créer de fossés entre l'élite et l'élite, déterminant le fossé par l'instructeur d'une parcelle de l'élite. Se conscientise, se doit de se relier. Se reliant, il équilibre ses propres déséquilibres harmoniques. Il harmonise son inharmonie et il peut partager son fardeau karmique, surtout son fardeau d'énergie karmique astralo-mentale ou mentalo-astrale, ce qui l'amène à éviter les problèmes qui vont amener les êtres conscientisés à une phase de suicide ou encore à une phase de dérèglement mental poussé. L'importance d'une société secrète, je n'emploierai plus le terme secret, étant donné que une société de cet ordre, une société qui essaie de bâtir un cadre d'évolution réservé à l'élite, est automatiquement secrète parce que régie par l'intelligence. Et seuls ceux qui ont l'intelligence de fermer leur trappe, donc seuls ceux qui ont l'intelligence d'assujettir leur mental à la non-divulgation des secrets de la société, non pas pour faire snob, mais parce qu'il y a écologie, parce qu'il y a conséquence, parce qu'il comprend l'écosystème conséquentiel de l'évolution que régit Jéhovah, de l'évolution de la masse, alors automatiquement, cet être peut faire partie de l'élite acceptée au sein d'une société secrète. Les sociétés que nous connaissons aujourd'hui ne sont plus secrètes, et c'est normal. Au sein du sein du sein du sein de chaque société secrète qui n'est plus secrète, existe une société secrète qui n'est même pas connue de ceux qui font partie de la société. Et eux, ce centre, ce cœur, va s'arranger à un moment donné pour purifier la société. Les purifications paraissent à l'œil comme une destruction, c'est une transmutation. Les noms sont changés. Une société secrète qui est transmuée ne conserve pas le même nom. Une société secrète qui est transmuée ne conserve pas les mêmes symboles. Une société secrète qui est transmuée ne conserve pas les mêmes traditions. Parce que si elle est transmuée, tous ceux qui sont à l'intérieur au moment de la transmutation se voient éliminés de la nouvelle société ou se voient régis par le nouveau cadre d'évolution de la société. Et on doit, pour éliminer ceux qui n'y ont plus affaire, éliminer tout ce qui les retient. L'habitude est une chose néfaste parce que régie par la psychologie. Et, je l'ai déjà dit, la tradition est une habitude collective. Et c'est une autre absurdité. Une société secrète a un cadre. Elle doit avoir un cadre régi par l'intelligence, un cadre qui va régir l'intelligence. Donc, une société secrète a un cadre construit par l'intelligence qui aura comme fonction de régir la psychologie des adeptes de cette société. Cela a été depuis le début de la race aryenne. Je vous parle de ceci parce que dans l'ère du Verseau, évidemment, on verra l'apparition d'une autre société, une autre société d'élite, qui ne sera pas snob, qui sera régi par le mental et qui, en son sein, ne pourra accepter que les êtres régis par le mental. Une société qui ne sera pas construite sur des fondements de tradition, une société qui sera construite sur l'énergie de l'amour, c'est-à-dire sur l'attraction mutuelle que vont opérer les mentales l'un sur l'autre. Le fait de vous réunir pour discuter, le fait de vous réunir simplement pour vous côtoyer est une chose typique de la naissance d'une société qui va instaurer un cadre d'évolution parallèle. Lorsque les éléments qui se réunissent sont en phase de conscientisation, comme dans ces temps modernes, phase de conscientisation qui tend à amener une évolution radicale de l'énergie mentale, alors, automatiquement, la nouvelle société qui tend à prendre cadre va évidemment avoir comme fondement l'énergie mentale, mais l'énergie mentale exprimée dans la société. Autrement dit, non pas comme les sociétés antérieures qui existent encore aujourd'hui, régies par le mental, dans lequel on n'exprime pas le mental, dans lequel on exprime le mental déformé, pour pouvoir s'assujettir et s'adapter à la psychologie astrale des êtres évoluants. La future société secrète qui va prendre la relève sur la planète est une société qui n'acceptera en son sein que ceux qui peuvent exprimer l'énergie du mental. Mais ceux qui peuvent exprimer l'énergie du mental sont de deux ordres. Et il ne faut pas que deux ordres secrets apparaissent. D'ailleurs, il n'en sera pas ainsi. Et certains auront à en souffrir. Il y a le mental authentique non coloré et il y a le mental coloré mémoriel, celui qui est installé dans l'astral de l'individu. Il y a deux choses. Une société intelligente doit faire en sorte que les personnes non conscientes ne puissent pénétrer dans la sphère de conscience tant qu'ils ne sont pas prêts. Cela est évident. Mais pour ce faire, il doit s'arranger, cette société, pour rester suffisamment secrète, pour ne pas donner une tentation à la normalité de vouloir pénétrer au sein de la conscience sans y être préparé. On peut élaborer un cheminement ardu qui oblige une personne non consciente ou probablement non consciente, on lui oblige un chemin qui va permettre à l'esprit maîtresse de la société de pouvoir vérifier si l'individu se conscientise et si l'individu peut être accepté au sein de la société. Et elle permettra aussi d'éliminer l'individu qui ne peut y accéder. Ces cheminements sont normaux, ils doivent être acceptés et compris. Présentement, on a des formes de noyaux de conscience dans la province de Québec, et pour y accéder, l'homme normal doit passer par un paquet de processus permettant au noyau d'éliminer ceux qui n'y ont pas accès, ceux qui n'y ont pas affaire, et pour permettre à ceux qui peuvent y avoir affaire d'y pénétrer, et pour permettre à ceux qui sont dans une possibilité de se conscientiser, mais qui à l'origine ne le sont pas, de pouvoir se conscientiser pour y arriver. Mais ce n'est pas... c'est le début. C'est le début de l'instauration d'une forme de société qui permettra aux individus élites de voir un cadre pour l'élite s'instaurer sur le cheminement évolutif de la province. Mais présentement, il n'y a pas de noyau secret. C'est-à-dire que cette nouvelle forme de société n'est pas existentielle. Elle n'est que potentielle. Elle va devenir existentielle, cela est évident. Elle va devenir existentielle lorsque les ordres déjà présents se verront maltraités, se verront mutilés par la perte de certaines têtes dirigeantes qui ne sont pas nécessairement à la hauteur sur le siège des dirigeants, mais qui occultement dirigent la société. Je parle évidemment des ordres rosicruciens et des ordres francs-maçonniques pour l'instant. Cette nouvelle société ne peut voir le jour pour l'instant. Pourquoi? Parce que les systèmes de filtration, premièrement, il n'y a pas assez de potentiel d'humains conscientisés. Deuxièmement, il y a trop de potentiel d'humains qui se croient conscientisés. Et troisièmement, il n'y a pas de filtre adéquat, c'est-à-dire que l'énergie mentale est en train d'instaurer des mécanismes pour permettre à l'énergie consciente de pouvoir directement avoir accès au noyau, sans avoir à passer par le cheminement qui sert de filtre à la masse. Les cheminements qui servent de filtre à la masse vont être, pour vous donner un exemple, pour vous situer, peuvent être des conférences, des cours, des séminaires, des initiations, des voyages et le noyau. Alors, toi, tu ne peux faire partie du noyau ou de telle parcelle de cette lignée de filtre, sauf si tu commences par l'origine et tu traverses tout le cheminement pour y arriver. Et si l'on regarde les ordres traditionnels déjà instaurés, il en est de même. L'on s'inscrit à une société secrète qui n'est plus secrète, comme l'ordre rosicrucien ou l'ordre franc-maçonnique, et on reçoit, soit par la poste, soit par des petites réunions, des cossins banaux, qui, après un an ou deux ans, vont être amplifiés, qui... après 5 ans vont être amplifiés, qui après 10 ans vont vous amener dans un endroit. Et sur 1000 néophytes qui se présentent, un arrive en haut, et c'est normal. Mais les sociétés antérieures qui existent encore aujourd'hui ont prévu, et ce n'est pas le cas de ce qui est en train d'être géré, d'être généré au Québec, ont prévu le cas où une entité extérieure est suffisamment énergisée pour ne pas avoir à passer par tout ce cheminement imbécile par rapport à l'entité supérieure. Si l'on parle de l'ordre rosicrucien, ou même de l'ordre franc-maçonnique, et à un moment donné, on a une personne, on a un corps humain qui apparaît, qui frappe à la porte et qui veut rencontrer les dirigeants pour leur parler de certaines choses. Cela est impossible. dans les sociétés conventionnelles franc-maçonniques ou rosicruciennes, il y a possibilité, plus aujourd'hui, car les sociétés sont en décadence, ce qui fait qu'on n'est plus capable de reconnaître l'intelligence, on s'est tellement habitué à reconnaître l'intelligence que si elle passe par le processus donné à la masse, qu'on ne peut reconnaître l'intelligence authentique qui se présente. C'est évident que si Christian Rosenkreuz reprend une corporalité et se présente à l'ordre franc-maçonnique ou à l'ordre rosicrucien, il est évident qu'il ne pourra pas être accepté par ces deux ordres, même s'il en est le père fondateur. Sauf, évidemment, s'il se met à faire plusieurs choses miraculeuses pour convaincre la psychologie de celui qui est à la tête qu'il devrait respecter parce que c'est sans doute lui. Mais il n'y a pas d'utilité à cela parce que les individus dirigeants ne sont plus d'ordre mental, mais d'ordre psychologique, de l'ordre mental psychologique. Donc, présentement, on n'a pas encore de noyau solide. Je vous en parle parce que ce noyau devra être créé et ce noyau va se créer par l'attraction mutuelle des énergies mentales pour les raisons que j'ai expliquées. Et ce noyau se doit d'être créé, il va se créer, que l'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Mais l'important, c'est qu'il est en formation, formé par des individus qui ont la possibilité de comprendre l'importance d'une société secrète, mais qui n'en ont pas la compréhension immédiate. Ce qui amène ces individus à retarder. Évidemment, cela est faux, ils ne retardent rien, c'est le temps que j'en parle. Prochainement, d'autres vont en parler ou vont se mettre à l'œuvre. Mais ils ne retardent pas, mais ils pourraient retarder si on ne leur en parlerait pas. La création d'une société qui permettrait à ceux qui se conscientisent, et lorsque je parle de société, je ne parle pas d'une église, d'une cathédrale, d'une bâtisse, d'un paquet de symboles, de livres qu'on vous vend par la poste et de cartes de membres que vous devez payer ou auxquelles vous devez vous inscrire. Je parle simplement. Il va se créer prochainement une méthode permettant à ceux qui se conscientisent d'être capables de se repérer. Il est de plus en plus vital, plus il y a d'êtres qui se conscientisent, que les êtres qui se conscientisent puissent se toucher, puissent se communiquer, puissent se rapprocher, puissent relier. Cela va créer une dynamique mentale qui va permettre la progression massive, plus rapide de ces initiés, de ce groupement d'initiés, de cette relation. Et quand je parle initié, je parle évidemment initié au mystère, c'est-à-dire connaissant les mystères du supramental, connaissant les mystères du mental, non pas les manipulant, non pas les contrôlant nécessairement, mais vous êtes ouvert, vous avez maintenant la connaissance de ces choses sans en avoir la compréhension. Et pour en avoir la compréhension, l'élite sur l'élite sur l'élite le fait seul, la masse d'élite ne peut le faire seul. C'est pourquoi on a des instructeurs qui réunissent des collectivités. L'importance de ne jamais créer de fossé entre l'élite et l'élite, et entre l'élite et la normalité, est évidente en ce sens que vous fermez des portes lorsque vous créez des fossés entre l'élite et l'élite au nom d'un instructeur plutôt que d'un autre, au nom de la compréhension que vous avez d'une forme de parole libérée par un instructeur plutôt qu'au nom de la compréhension que vous avez des mêmes processus libérés par un autre instructeur. On ne doit pas créer de fossés entre l'initié, entre l'élite et la masse, parce que la masse va étouffer l'élite. N'importe quelle organisation qui décide de se créer, de se structurer, de se publiciser dans la masse, et qui décide de limiter, je me publicise, mais seule l'élite qui passe par mon tunnel peut venir, est une organisation vouée à la destruction, détruite par la masse. Les énergies intelligentes ne feront jamais en sorte que cette institution puisse prospérer, car elle va à l'encontre même des énergies qui vont permettre l'évolution d'un cadre permis et donné à l'élite. Ce qui fait que vous devriez, et vous allez finir par le faire à un moment donné, vous devez vous rencontrer. Vous devez non pas vous rencontrer dans un cercle qui amène au snobisme, non pas parce que vous êtes déconscientisé, parce qu'il y a utilité à la rencontre. Utilité sur le plan du karma mental, utilité sur le plan des énergies, de l'harmonie énergétique au niveau du plan psychologique et du plan mental, mais non pas utilité au niveau de l'expression de la psychologie mentale. Et cela est une vaste différence. La majorité des personnes qui se rencontrent, autant à mes conférences ou conférences d'un autre, sont des personnes qui sont régies par la psychologie mentale et non pas par le mental. Et étant régis par la psychologie mentale, ils essaient de créer un ego de groupe. Ils essaient de créer non pas une dynamique mentale de groupe, mais un ego de groupe, un esprit de groupe. Et ces esprits de groupe, qui sont de la sphère de la psychologie astrale, sont les mêmes genres d'entités qui vont manipuler les troupeaux d'animaux, qui manipulent les troupeaux humains et qui manipulent quel que soit le genre de troupeau de religion, de philosophie, de secte ou quoi que ce soit. Donc, si l'homme mental est régi par une psychologie mentale, il va automatiquement créer un ego de groupe, un esprit de groupe. Et lorsque l'esprit de groupe est suffisamment dynamisé, on se fout de l'instructeur, on n'en a même plus besoin. Qu'ils disent quoi que ce soit, cela ne change rien à l'esprit de groupe. On grimpe sur le dos de l'instructeur se suicide, on va quand même continuer à vivre, même si l'instructeur n'est plus là. Et lorsque l'esprit de groupe est suffisamment puissant, l'instructeur va dire, telle chose, je n'en veux plus. Et tout le monde répond, ah, il dit ça, on peut briser nos femmes, mais on continue pareil. L'esprit de groupe finit par être l'anti-instructeur, il devient la dualité satanique de l'instructeur Yavik. Il devient l'antipode de l'instructeur. De ce fait, la population qui était en phase de conscientisation par l'intermédiaire de l'instructeur finit par créer un noyau qui est assujetti à l'esprit de groupe, à un égrégore malsain de groupe, et il n'y a plus de contact, il n'y a plus d'individualité, il n'y a qu'un troupeau de moutons qui ne vise que la spéculation supramentale, qui ne vise que l'expression du supramental astral, de l'astral mental, de tous ces relégats d'énergie placés en mémoire dans l'astral. Et ce phénomène est non seulement dangereux, mais il est présentement en train de se former. Il se forme, c'est normal, il doit se déformer, c'est normal. Chacun des instructeurs a la possibilité d'exprimer selon une forme de langage tributaire du soleil qui l'envoie, et automatiquement, certains vont avoir plus d'effet dans l'explication du processus. L'homme conscientisé ne doit jamais créer de fossé. Et lorsque l'homme conscientisé va voir l'importance de se relier à ceux qui se conscientisent, sans juger de leur forme d'expression, sans juger de leur langage, sans juger de leur instructeur, sans juger de leur habillement, sans juger de quoi que ce soit, mais ne voir que l'énergie de la conscientisation qui est manipulée par l'énergie de l'ajusteur de pensée ou par le mental. Alors là, ces hommes vont être capables de créer ce qui doit être créé. Ce n'est pas parce que toi, tu dis que Satan est telle chose et que l'autre dit que Satan est telle autre chose que vous devez créer un fossé. Lui essaie de comprendre. Et lui essaie de comprendre. Lui se dirige vers la mentalisation des processus psychologiques, et l'autre aussi. Et ce n'est pas parce que vous êtes dans des points de vue différents que vous n'êtes pas assujetti à la mentalisation. Et l'homme assujetti à la mentalisation se doit de se relier. On ne se relie pas parce que l'interprétation que nous avons de la mentalisation est similaire. On se relie parce que nos processus psychologiques sont régis par le mental. Et là, l'être mental peut se relier. Et non pas parce que l'expression de l'énergie psychologique régie par le mental est similaire à ton expression. Cela va simplement faire en sorte que moi, j'exprime un contrôle psychologique, contrôle réalisé par le mental de telle façon, et que toi, tu exprimes une psychologie mentale similaire. Mais tu n'as rien à voir avec l'énergie mentale, tu copies. Et vu que nous exprimons la même chose, nous nous relions. Nous allons aux mêmes conférences, nous proposons la même chose et nous détruisons les mêmes personnes. L'un est mental, l'autre est psychologique, les deux sont stupides. L'homme qui doit se relier doit le faire à partir de l'énergie de conscientisation mentale et non pas à partir de l'expression dans la matière que va avoir cette énergie conscientisante. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce qu'un tel suit un tel qu'il est banni. Cela veut dire que vous allez dans n'importe quelle foutue école de yoga, école d'ésotérisme, école religieuse, et lorsqu'une personne est en phase de conscientisation mentale, lorsqu'elle recherche, lorsque des mécanismes en elle sont en train de se briser, lorsque des nouveaux contacts neurologiques se font, lorsqu'elle a une transformation, lorsqu'elle est dans une phase de doute, mais un doute conscient, un doute intelligent, non pas le doute du doute, mais le doute des choses sûres. Cette personne se doit de faire partie de cette société. Elle est un être en phase de conscientisation qui souffre une vie karmique, mentale et psychologique parce qu'elle est dans un cadre qui est régi par Jéhovah et non pas dans un cadre qui va être régi par l'expression de l'énergie intelligente ou supramentale. Elle n'est pas dans le bon cadre. Vous n'êtes pas dans un bon cadre. Créons ce cadre. Je ne créerai pas ce cadre. Vous allez créer ce cadre. Mais vous allez le créer en collaboration avec immensément d'individus qui vont m'écouter mais qui ne sont pas ici et qui ne m'écouteront jamais mais qui vont en écouter d'autres. L'énergie mentale n'est pas une énergie limitative. Et l'énergie mentale ne ira pas se relier selon l'expression permise par l'égrégore moléculaire biologique. Ce n'est pas parce qu'un tel parle de telle manière qu'il n'est pas mental. L'énergie mentale ne va pas seulement s'exprimer par l'intelligence de la parole. À un moment donné, oui, c'est l'un des travails. Mais ce n'est pas ce qui détermine la mentalisation chez un individu. Ce qui détermine la mentalisation chez un individu, c'est le doute de ce qu'il sait, le doute de ce qui est certain. La psychologie doute du doute. La psychologie ne doute jamais de ce qui est sûr. Le mental peut amener dans la psychologie, lorsque le mental mentalise la psychologie, autrement dit, lorsque l'énergie mentale se conscientise, ce qui amène une forme de conscientisation psychologique, l'énergie mentale va amener le doute dans la psychologie, le doute de ce qui est certain. Mais c'est régi par le mental, ce n'est pas régi par la psychologie. Lorsque la psychologie doute de ce qui est certain, ce n'est pas psychologique, c'est mental. Et celui qui doute de ce qui est certain est au niveau de la mentalisation. Celui qui ne doute plus de ce qui est certain pour lui est réassujetti à l'évolution psychologique. Il peut, si dans l'ensemble de son évolution, il est en phase de conscientisation, être admis au sein de cette société de mental. Mais je le répète, ce n'est pas l'instructeur, ce n'est pas l'habillement d'une personne, ce n'est pas de la avec la façon par laquelle elle va exprimer sa mentalisation que nous pouvons déterminer si elle est mentale ou non. C'est par sa recherche. C'est par ce qui se passe en elle. Essayez de vous comprendre à un moment donné, puis essayez de vous étudier un peu à un moment donné, et vous allez voir que d'autres personnes qui sont dans l'état où vous étiez il y a 6 mois, mais que ces personnes-là que vous rejetez parce que trop spirituelles, bien, sont dans un état de mentalisation, comme vous l'étiez. Et parce qu'on ne vous a pas rejeté, vous en êtes rendu à un état où vous rejetez. Cela est stupide. Cela est absurde. Et ne pas comprendre l'écologie du système, l'écologie de la psychologie de ceux qui sont en phase de mentalisation, mais qui ne l'expriment pas, et c'est normal parce qu'ils sont différents, qui ne l'expriment pas comme vous, comprendre cette importance, c'est comprendre que de temps en temps, on doit baisser son taux vibratoire pour pouvoir se relier, et que de temps en temps, d'autres vont baisser leur taux vibratoire pour aller vous chercher. Mais ce n'est pas d'essayer de créer des sectes particulières selon le taux vibratoire du mental et déterminer que par rapport à ce mental-là, lui spirituel, par rapport à lui spirituel. La spiritualité, on s'en fout. Ce n'est pas mauvais, la spiritualité. Ce qui est mauvais, c'est l'être qui ne comprend pas mentalement la spiritualité. L'être qui comprend spirituellement la spiritualité. Cet état de choses est mauvais, pas la spiritualité. On s'en fout de la spiritualité. Hein? Le gaz propane, c'est pas mauvais. Respirez-en tout plein, c'est mauvais. Mais le gaz propane n'est jamais mauvais. C'est l'état de choses qui est mauvais. L'énergie mentale va s'assurer que les cadres d'expression mentale, les hommes évoluants, à un moment donné, vont être capables de se relier. C'est une sauvegarde d'énergie mentale. Cela demande moins de dépenses d'énergie mentale. Cela est intelligent pour préserver les entités expressives du mental, pour garder sain d'esprit les personnes qui se mentalisent. Lorsqu'une lutte arrive entre deux clans qui se mentalisent, c'est que ceux qui se luttent l'un l'autre sont dans une phase de psychologie mentale et non pas dans une phase de mentale. C'est différent. Totalement différent. Et celui qui est dans une phase de psychologie mentale est une personne qui devrait, à un moment donné, tout oublier, si elle veut avancer plus vite. Ou elle va devoir voir son nouveau cadre qu'elle essaie d'instaurer, celui qui bannit les autres formes de conscientisation, elle devra voir ce cadre brisé. Et là encore, il y aura souffrance. L'importance d'une société, et j'emploie le mot société pour faire référence aux antiques sociétés qui existent encore aujourd'hui, aux antiques par rapport à leur naissance, ce ne sera pas similaire dans l'ère du Verseau, c'est normal, mais prenons le terme société. L'importance de ces sociétés a permis à d'immenses masses de pouvoir se relier. Lorsque nous avons différentes loges maçonniques, nous avons différentes formes d'un peu de psychologie, mais qui sont capables non pas de s'autodétruire, mais de régler les problèmes massifs de chaque loge ensemble. Lorsque nous avons différentes expressions d'une fraternité rosicrucienne jusqu'à un parallélisme de deux ordres, de temps en temps, on réunit toutes les cellules pour pouvoir régler les problèmes majeurs des cellules. Qu'il y ait différentes formes, ce n'est pas grave, à la condition qu'elles n'entrent pas en guerre l'une contre l'autre, à la condition qu'elles ne créent pas de fossé l'une envers l'autre, à la condition qu'elles comprennent que moi, je comprends mieux comme ça, puis que toi, tu comprends mieux de même, mais toi deux, on fait le même travail. Donc, de temps en temps, on peut se rencontrer. On ne bannit pas un autre, et ni dans le spirituel, ni dans le mental, ni dans ceux qui croient évoluer dans l'énergie supramentale. On ne les bannit pas. On va y revenir.